On a toujours le choix. Impossible de dire. Quand l'impression de subir, alors qu'on sait ce qui nous inspire, faisons-nous trop de mal pour que la vie se venge ainsi et que la note devienne bancale. Il nous faudrait comprendre pour arrêter d'attendre après l'avenir, car le présent s'impose à nous comme un poison dur à décrire. Le piège cache le bonheur d'un rire et la simple envie de sourire. Alors on pêche le futur comme s'il était pestiféré. On vit dans le passé et on surprend à voir qu'il ne fait que persister, à vouloir y retourner, y demeurer habité et vivre à jamais. Pourquoi on m'avait dit qu'on a toujours le choix, mais aucune question ne s'est présentée, aucun autre chemin à emprunter, juste un virage dur à négocier pour ne pas se planter, à croire que le choix est juste celui de vouloir tourner. La vie ou la mort, l'ami ou l'amour, à tort, à contre-sens des sentiments. Pourquoi cette impression que l'on ne fait pas les choix les plus importants? Pourquoi des fois désemparer et l'assurance d'être innocent, de sa vie, de ses envies, et regretter d'être un enfant? On dit que le vécu nous aide toujours à avancer, mais avant de passer la première, on fait toujours marche arrière. Peut-être pour mieux s'élancer, peut-être pour mieux se lancer dans la gueule de l'avenir. Et on se dit qu'on vient de passer le pire, mais capricieux est le passé et ses envies de revenir. La vie avec vision de l'avenir sera arrivée, à force la fumée la subir, à temps pour ses passés, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se souvenir, et tant d'attendre d'aimer, de comprendre l'avenir. La vie avec vision de l'avenir sera arrivée, à force la fumée la subir, à temps pour ses passés, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se souvenir, et tant d'attendre d'aimer, de comprendre l'avenir. Impossible de dire où tout a commencé, cette Bible à écrire que l'on ne pourra jamais penser, histoire de s'attirer. De vie à recommencer, quand elle vire au pire en une seconde, le drame d'une soirée passée, et ces blessures sur lesquelles on ne peut rien penser, tant de vie gâchée en une soirée qu'on ne peut même pas y penser. Le plus dur étant d'effacer le passé, de faire avec la culpabilité, de voir l'amour finir à la mort ou en prison, de voir son nom, son âme, son cœur blessé à jamais. Lui qui croyait à fond, tu sais maintenant les caprices du destin du démon. Tu crois voir ta vie prise à l'âme sans ton âme, qu'on souhaite torturer, torpiller, coupable, innocente. La vie allait trop vite, elle s'est stoppée, devient lente, et comme à chaque fois que tu rembobines la cassette, de voir les ailes du bonheur éternel s'arrête. La fin de l'histoire encore, je marque que t'as jamais demandé à voir les mots de crâne comme mot d'envoi, alors que le choix s'est imposé en noir. On a toujours le choix de mourir ou souffrir, de vivre libre et malheureux ou enchaîné et heureux, le choix de rester et souffrir, le choix de partir et souffrir. En fait, le choix entre le diable et le démon, on minime la limite pour ne pas dire qu'on subit la vie. Car moi je l'ai vu, elle n'en a pas souri et tu n'as pas à culpabiliser, car on choisit jamais quoi tu comment aimer. L'avenir sera arrivé, à force la fumée la subir, à toi forcer le passé, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se souvenir, et tant d'attendre d'aimer, de comprendre l'avenir. La vie avec les ondes, l'avenir sera arrivé, à force la fumée la subir, à toi forcer le passé, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se souvenir, et tant d'attendre d'aimer, de comprendre l'avenir. En ce temps, 21 ans, un ex, un mec, un enfant, l'envie de mort dans la vie comme jamais auparavant, le besoin de découvrir et d'aller de l'avant, des projets par la tête, l'envie que jamais ne s'arrête, le bonheur du présent. Mais lui il avait changé et personne n'en saura jamais, c'était le dernier détail de taille pour que la vie fasse un bond. Il fallait trop en découdre, la petite était là, enfant, et le futur d'un enfant passe toujours par les parents. Mais cette soirée était trop, la prise de tête était trop, et dans le resto les cris étaient trop, la haine était trop, ce mec était trop, l'agression était trop, le couteau était trop, ce camion, la peur, le stress, la mort était trop. Alors pourquoi, à quel moment s'est fait le choix de vivre maintenant dans cette angoisse là? C'est plutôt bête à dire, mais c'est celle de la voir à décrire la nouvelle. Un bébé qui deviendra grand, elle est trop petite et toi trop jeune pour pouvoir souffrir toute la vie. Regarde, il y a encore du bonheur, je le vois pour toi quand tu lui souris. L'horizon ne reste pas toujours gris, et même s'il paraît gris, si tout est désolé, fané, la loi dit que la vie reprend toujours ses droits. Demain, dis-lui que tu lui attraperas l'étoile du bonheur du bout de tes doigts. Demain, dis-lui que tu lui attraperas l'étoile du bonheur du bout de tes doigts. La vie avec vision, l'avenir sera arrivé, à force la fumée la subir, à temps penser le passé, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se souvenir, et tant d'attendre d'aimer, de comprendre l'avenir. La vie avec vision, l'avenir sera arrivé, à force la fumée la subir, à temps penser le passé, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se souvenir, et tant d'attendre d'aimer, de comprendre l'avenir. La vie avec vision, l'avenir sera arrivé, à force la fumée la subir, à temps penser le passé, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se souvenir, et tant d'aimer, de comprendre l'avenir. La vie avec vision de l'avenir sera arrivée, à force la fumée la subir, à penser passer, à revenir, à se remémorer, à s'y attacher, à se